L'affaire Le Rouge, chapitre 18. Le père Tabaret parlait, mais il agissait aussi. Abandonné par le juge d'instruction à ses seules forces, il se remit à l'œuvre sans perdre une minute et ne prit plus un moment de repos. L'histoire du cabriolet attelé d'un cheval rapide était exacte. Prodiguant l'argent, le bonhomme avait recruté une douzaine d'employés de la police en congé ou de malfaiteurs sans ouvrage, et à la tête de ses honorables auxiliaires, secondé par son CI de Lecoq, il s'était transporté à Bougival. Il avait littéralement fouillé le pays, maison par maison, avec l'obstination et la patience d'un maniaque qui voudrait retrouver une aiguille dans une charretée de foin. Ses peines ne furent pas absolument perdues. Après 3 jours d'investigation, voici ce dont il était à peu près certain. L'assassin n'avait pas quitté le chemin de fer à Reuil, comme le font tous les gens de Bougival, de La Jonchère et de Marly. Il avait poussé jusqu'à Chatou. Tabaret pensait le reconnaître dans un homme encore jeune, brun et avec d'épais favoris noirs, chargé d'un pardessus et d'un parapluie que lui avaient dépeint les employés de la station. Ce voyageur, arrivé par le train qui part de Paris à Saint-Germain à 8h35 du soir, avait paru fort pressé. En quittant la gare, il s'était élancé au pas de course sur la route qui conduit à Bougival. Sur la chaussée, 2 hommes de Marly et 1 femme de la Malmaison l'avaient remarqué à cause de ses allures rapides. Il fumait tout en courant. Au passage du pont qui à Bougival joint les 2 rives de la Seine, il avait été mieux observé encore. On paye pour traverser ce pont et l'assassin présumé avait sans doute oublié cette circonstance. Il avait passé franc, toujours au pas de gymnastique, les coudes au corps, ménageant son haleine, et le gardien du pont avait obligé de s'élancer à sa poursuite en le hélant pour se faire payer. Il avait paru très contrarié de cette circonstance, avait jeté 1 pièce de 10 sous et avait continué sa route sans attendre les 45 centimes qui lui revenaient. Ce n'est pas tout. Le contrôleur de Reuil se souvenait que 2 minutes avant le train de 10h15, un voyageur s'était présenté, très ému et si essoufflé qu'à peine il pouvait se faire comprendre en demandant son billet, un billet de seconde pour Paris. Le signalement de cet homme répondait exactement au portrait décrit par les employés de Chatou et par le gardien du pont. Enfin, le bonhomme se croyait sur la trace d'un individu qui avait dû monter dans le même compartiment que ce voyageur essoufflé. On lui avait indiqué un boulanger d'Asnières auquel il avait écrit en lui demandant un rendez-vous. Tel était le bilan du père Tabaret quand le lundi matin, il se présenta au palais de justice afin de voir si on n'aurait pas reçu le dossier de la veuve Le Rouge. Il ne trouva pas ce dossier, mais dans la galerie, il rencontra Gévrol et son homme. Le chef de la sûreté triomphait, et triomphait sans pudeur. Dès qu'il aperçut Tabaret, il l'appela. « Eh bien, illustre dénicheur, quoi de neuf? Avons-nous fait couper le cou à quelques scélérats depuis l'autre jour? Ah, vieux malin, je vois bien que c'est à ma place que vous en voulez. » Hélas, le bonhomme était cruellement changé. La conscience de son erreur le rendait humble et doux. Ses plaisanteries qui jadis l'exaspéraient ne le touchaient pas. Bien loin de se rebiffer, il baissa le nez d'un air si contrit que Gévrol en fut étonné. Raillez-moi, mon bon monsieur Gévrol, répondit-il. Moquez-vous de moi impitoyablement. Vous aurez raison, je l'ai bien mérité. Ah, ça, reprit l'agent. Nous avons donc fait quelques chefs-d'œuvre, vieux passionné. Le père Tabaret branla tristement la tête. J'ai livré un innocent, dit-il. Et la justice ne veut plus me le rendre. Gévrol était ravi. Il se frottait les mains sans lever l'épiderme. C'est très fort, cela, chantonnait-il. C'est très adroit. Faire condamner des coupables, fi donc, c'est mesquin. Mais faire raccourcir des innocents, bigre, c'est le dernier mot de l'art. Papa Tiroclair, vous êtes pyramidal, et je m'incline. Et en même temps, il ôta ironiquement son chapeau. Ne m'accablez pas, reprit le bonhomme. Que voulez-vous ? Malgré mes cheveux gris, je suis jeune dans le métier. Parce que le hasard m'a servi 3 ou 4 fois, j'en suis devenu bêtement orgueilleux. Je reconnais trop tard que je ne suis pas ce que je croyais. Je suis un apprenti à qui le succès a fait tourner la cervelle. Tandis que vous, monsieur Gévrol, vous êtes notre maître à tous. Au lieu de me railler, de grâce, secourez-moi. Aidez-moi de vos conseils et de votre expérience. Seul, je n'en sortirai pas. Au lieu qu'avec vous. Gévrol est superlativement vaniteux. La soumission de Tabaret, qu'au fond il estimait très fort, chatouilla délicieusement ses prétentions policières. Il s'humanisa. « J'imagine, dit-il d'un ton protecteur, qu'il s'agit de l'affaire de la Jonchère. Hélas, oui, cher monsieur Gévrol, j'ai voulu marcher sans vous, et ils m'ont cuit. Le vieux Finot de Tabaret gardait la mine contrite d'un sacristain surpris à faire gras le vendredi, mais au fond il riait, il jubilait. « Niais vaniteux, pensait-il, je te casserai tant de dents en soir sur le nez que tu finiras bien par faire tout ce que je voudrais. » Monsieur Gévrol se grattait le nez tout en avançant la lèvre inférieure et en faisant Il feignait d'hésiter, heureux de prolonger la délicate jouissance que lui procurait la confusion du bonhomme. « Voyons, dit-il enfin, duridez-vous, papa Tiroclair. Je suis bon garçon, moi je vous donnerai un coup d'épaule. C'est gentil, hein? Mais aujourd'hui je suis trop pressé, on me demande là-bas. Venez me voir demain matin, nous causerons. Cependant, avant de nous quitter, je vais vous allumer une lanterne pour chercher votre chemin. Savez-vous qui est les témoins que j'amène? Dites, mon bon monsieur Gévrol. Eh bien, ce gaillard sur ce banc qui attend monsieur le juge d'instruction est le mari de la victime de la Jonchère. Pas possible, fit le père Tabaret stupéfié et réfléchissant. Vous vous moquez de moi, ajouta-t-il. Non, sur ma parole, allez lui demander son nom, il vous dira qu'il s'appelle Pierre le Rouge. Elle n'était donc pas veuve? Il paraîtrait, répondit Gévrol goguenardant, puisque voilà son heureux époux. Oh, murmura le bonhomme, et sait-il quelque chose? En 20 phrases, le chef de la sûreté analysa à son collègue volontaire le récit que le Rouge avait fait au juge d'instruction. « Que dites-vous de cela ? » demanda-t-il en finissant. « Ce que je dis ? » balbutia le père Tabaret, dont la physionomie dénotait une surprise voisine de l'hébétement. « Ce que je dis ? Je ne dis rien. Je pense, mais je ne pense rien. »« Une tuile, quoi ? » fit Gévrol radieux. « Dites un coup de massue, plutôt, répliqua Tabaret. Mais subitement, il se redressa, se donnant sur le front un furieux coup de poing. « Et mon boulanger ? » s'écria-t-il. « À demain, monsieur Gévrol. » « Il est fêlé, » pensa le chef de la sûreté. Le bonhomme était fort sain d'esprit. Seulement, il s'était tout à coup souvenu du boulanger d'Anières, qu'il avait prié de passer chez lui. L'y trouverait-il encore ? Dans l'escalier, il rencontra M. Daburon. C'est à peine s'il daigna lui répondre. Bientôt, il fut dehors et s'élança le long du quai, trottant comme un chat maigre. « Là, causons, se disait-il. Voilà mon Noël redevenu grougeant comme devant. Il ne va pas rire, lui qui était si heureux d'avoir un nom. Basse, s'il le veut, je l'adopterai. Tabaret ne sonne pas comme Comarin, mais enfin, c'est un nom. » N'importe, l'histoire de Gévrol ne modifie en rien la situation d'Albert ni mes convictions. Il est le fils légitime, tant mieux pour lui. Cela n'affirmerait en rien son innocence si j'en doutais. Évidemment, non plus que son père, il ne connaissait rien de ces circonstances si surprenantes. Il devait aussi bien que le comte croire à une substitution. Ces faits, Madame Gerdy les ignorait aussi. On aura inventé quelque histoire pour expliquer la cicatrice. Oui, mais Madame Gerdy savait à n'en pas douter que Noël était bien son fils à elle. En le reprenant, elle a dû vérifier les signes. Quand Noël a trouvé les lettres du comte, elle se sera empressée de lui expliquer. le père Tabaret s'arrêta aussi court que si son chemin eût été barré par le plus effroyable reptile. Il était épouvanté de sa conclusion qui disait « Noël aurait donc assassiné la femme le rouge pour l'empêcher de confesser que la substitution n'avait pas eu lieu, et il aurait brûlé les lettres et les papiers qui le prouvaient. » Mais il repoussa avec horreur cette probabilité, comme un honnête homme chasse une détestable pensée qui par hasard sillonne son esprit. « Vieux crétin que je suis !» exclama-t-il en reprenant sa course. « Voilà pourtant la conséquence de l'affreux métier que je me faisais gloire d'exercer. Soupçonner Noël, mon enfant, mon légataire universel, la vertu et l'honneur incarnés ici-bas. Noël, que 10 ans de relations constantes, de vie presque commune, m'ont appris à estimer, à admirer, au point que je répondrai de lui comme de moi-même. Il faut de terribles passions pour pousser à verser le sang les hommes d'une certaine condition, et je n'ai jamais connu à Noël que 2 passions, sa mère et le travail. Et j'ose effleurer d'un soupçon ce caractère si noble. Je devrais me battre, vieille bête. Tu ne trouves sans doute pas assez terrible la leçon que tu viens de recevoir. Que faut-il donc pour te rendre plus circonspect ?» Il raisonnait ainsi, s'efforçant de refouler ses inquiétudes, contraignant ses habitudes d'investigation, mais au fond de lui-même, une voix taquinante murmurait « Et si c'était Noël ?» Le père Tabaret était arrivé rue Saint-Lazare. Devant sa porte stationnait le plus élégant coupé bleu attelé d'un cheval magnifique. Machinalement, il s'arrêta. « Bel animal, dit-il, mes locataires reçoivent des gens bien. » Il recevait des gens mal aussi, car il formulait à peine cette réflexion qu'il vit sortir M. Clergeot, l'honnête M. Clergeot, dont la présence dans une maison y trahit une ruine aussi sûrement que la présence des employés des pompes funèbres y annonce une mort. Le vieux policier, qui connaît toute la terre, connaissait admirablement l'honnête banquier. Même il avait eu des relations avec lui autrefois, lorsqu'il collectionnait des livres. Il l'arrêta. « Vous voilà, vieux crocodile, lui dit-il. Vous avez donc des pratiques dans ma maison ?»« Il paraît, répondit sèchement Clergeot, qui n'aime pas à être traité familièrement. « Tiens, tiens, fit le père Tabaret. Et poussé par une curiosité bien naturelle chez un propriétaire qui doit avant tout redouter de loger des gens gênés, il ajouta « Qui diable êtes-vous en train de me ruiner ?»« Je ne ruine personne, » riposta M. Clergeot d'un air de dignité offensée. « Avez-vous eu à vous plaindre de nos relations ? Je ne le pense pas. Parlez de moi, s'il vous plaît, au jeune avocat qui fait des affaires avec moi. Il vous dira s'il a lieu de regretter de me connaître. » Tabaret fut péniblement impressionné. « Quoi ? Noël ? Le sage Noël était le client de Clergeot ? Que voulait dire cela ? Peut-être n'y avait-il aucun mal. Cependant, les 15 000 francs de jeudi lui revenaient à la mémoire. « Oui, dit-il, désireux de se renseigner, je sais que M. Gerdy mène l'argent assez rondement. Clergeot a la délicatesse de ne jamais laisser attaquer ses pratiques sans les défendre. « Oh, ce n'est pas lui, personnellement, objecta-t-il, qui fait danser les écus. C'est sa petite femme chérie. Elle est grosse comme le pouce, mais elle mangerait le diable, ongles, cornes et tout. Quoi ? Noël entretenait une femme, une créature que Clergeot lui-même, l'ami des petites dames, trouvait dépensière. Cette révélation en ce moment atteignit le bonhomme en plein cœur. Pourtant, il dissimula. Un geste, un regard pouvait éveiller la défiance de l'usurier et lui fermer la bouche. « On sait cela, » reprit-il du ton le plus dégagé qu'il put. « Bah, il faut bien que jeunesse se passe. Que croyez-vous donc qu'elle lui coûte par an, cette coquine ?»« Oh, ma foi, je ne sais pas. Il a eu le tort de ne pas lui assigner un fixe. À mon calcul, elle doit bien, depuis 4 ans qu'il l'a, lui avoir avalé dans les environs de 500 000 francs. » 4 ans, 500 000 francs. Ces mots, ces chiffres, éclatèrent comme des obus dans la cervelle du père Tabaret. 1 demi-million. En ce cas, Noël était ruiné de fond en comble. Mais alors... C'est beaucoup, dit-il, réussissant, grâce à des forces héroïques, à cacher sa souffrance. C'est énorme même. Il faut remarquer cependant que M. Gerdy a des ressources. Lui ? Interrompit l'usurier en haussant les épaules. Tenez, pas ça ! Ajouta-t-il en faisant claquer sous ses dents l'ongle de son pouce. Il est nettoyé à fond. Cependant, s'il vous doit de l'argent, soyez sans crainte. C'est un malin. Il va se marier. Tel que vous me voyez, je viens de lui renouveler des billets pour 26 000 francs. Au revoir, monsieur Tabaret. L'usurier s'éloigna d'un pas leste, laissant le pauvre bonhomme planté comme une borne au milieu du trottoir. Il ressentait quelque chose de pareil à la douleur immense qui doit briser le cœur d'un père lorsqu'on lui laisse entrevoir que son fils bien-aimé est peut-être le dernier des scélérats. Et pourtant, telle était sa croyance en Noël, qu'il violentait sa raison pour repousser encore les soupçons qui le poignaient. Pourquoi cet usurier n'aurait-il pas calomnié l'avocat ? Ces gens qui prêtent à plus de 10% sont capables de tout. Évidemment, il avait exagéré le chiffre des folies de son client. Et quand même, combien d'hommes n'ont pas fait pour des femmes les plus grandes insanités sans cesser d'être honnêtes ? Il voulut entrer. Un tourbillon de soie, de dentelles et de velours lui barra le passage. C'était une jolie jeune femme brune qui sortait. Elle s'élança, légère comme l'oiseau, dans le coupé bleu. Le père Tabaret était gaillard. La jeune femme était ravissante, pourtant il n'eut pas un regard pour elle. Il entra et, sous la voûte, il trouva son portier debout, sa casquette à la main, considérant d'un œil attendri une pièce de 20 francs. « Oh, monsieur !» lui dit cet homme. « La jolie dame ! Et combien ! Elle est comme il faut ! Que n'êtes-vous arrivé 5 minutes plus tôt ?»« Quelle dame ? Pourquoi ?» Cette dame si distinguée qui sort. Elle venait, monsieur, chercher des renseignements sur monsieur Gerdy. Elle m'a donné 20 francs pour répondre à ses questions. Il paraîtrait que monsieur Gerdy se marie. Elle avait l'air tout à fait vexée. Superbe créature! J'ai dans l'idée que ce doit être sa maîtresse. Je comprends maintenant pourquoi il sortait toutes les nuits. Monsieur Gerdy? Mais oui, monsieur. Je n'en ai jamais parlé à monsieur. Vu qu'il avait l'air de se cacher. Il ne me demandait pas le cordon, non, pas si bête. Il filait par la petite porte de la remise. Moi, je me disais, c'est peut-être pour ne pas me déranger ce qu'il en fait, cet homme. C'est très délicat de sa part, et puisque ça lui plaît. Le portier parlait, l'œil toujours attaché sur sa pièce. Lorsqu'il leva la tête pour interroger la physionomie de son seigneur et maître, le père Tabaret avait disparu. En voilà bien une autre. Se dit le portier. Sans sou que le patron court après la superbe créature. Joue des flûtes, va, vieux roquentin. On t'en donnera un petit morceau. Pas beaucoup, mais c'est très cher. Le portier ne se trompait pas. Le père Tabaret courait après la dame au coupé bleu. Il avait pensé, celle-là me dira tout. Et d'un bond, il fut dans la rue. Il arriva juste à temps pour voir le coupé bleu tourner le coin de la rue Saint-Lazare. Ciel, murmura-t-il, je vais la perdre de vue. Et cependant, la vérité est là. Il était dans un de ces états de surexcitation nerveuse qui enfantent des prodiges. Il franchit le bout de la rue Saint-Lazare aussi rapidement qu'un jeune homme de 20 ans. Oh, bonheur ! À 50 pas, dans la rue du Havre, il vit le coupé bleu arrêté au milieu d'un embarras de voitures. « Je l'aurai !» se dit-il. Ses regards parcouraient les alentours de la gare de l'Ouest, cette rue où rôdent presque constamment des cochers marrons. Pas une voiture. Volontiers, comme Richard III, il aurait crié « Ma fortune pour un fiacre !» Le coupé bleu s'était dégagé et filait bon train vers la rue Tronchet. Le bonhomme suivait. Il se maintenait. Le coupé ne gagnait pas trop. Tout en courant sur le milieu de la chaussée, cherchant de l'œil une voiture où se jeter, il se disait « En chasse, bonhomme, en chasse ! Quand on n'a pas de tête, il faut des jambes. Et hop, hop !» Pourquoi n'as-tu pas songé à demander à Clairjoux l'adresse de cette femme ? Plus vite que ça, mon vieux, plus vite ! Quand on veut se mêler d'être mouchard, on se munit des qualités de l'emploi. Le mouchard doit avoir les fuseaux du cerf. Il ne pensait qu'à rejoindre la maîtresse de Noël et pas à autre chose. Mais il perdait, bien évidemment, il perdait. Il n'était pas au milieu de la rue Tronchet et il n'en pouvait plus. Il sentait que ses jambes ne le porteraient pas 100 mètres plus loin. Et le maudit coupé allait atteindre la Madeleine. Ô fortune, une remise découverte marchant dans le même sens que lui le dépassa. Il fit un signe plus désespéré que celui de l'homme qui se noie. Le signe fut vu. Il rassembla ses dernières forces et d'un bond s'élança dans la voiture sans le secours du marchepied. « Là-bas, dit-il, ce coupé bleu, 20 francs !»« Compris, répondit le cocher en clignant de l'œil. Et il enveloppa sa maigre rosse d'un vigoureux coup de fouet en murmurant « Un bourgeois jaloux qui suit sa femme. » Connu. Hu, cocotte !» Pour le père Tabaret, il était temps de s'arrêter. Ses forces expiraient. Après une bonne minute, il n'avait pas repris haleine. On était sur le boulevard. Il se dressa dans la voiture, s'appuyant au siège du cocher. « Je n'aperçois plus le coupé, » dit-il. « Oh, je le vois bien, moi, bourgeois. C'est qu'il a un fameux cheval. Le tien doit être meilleur. J'ai dit 20 francs, ce sera 40. » Le cocher tapa comme un sourd. Et tout en frappant, il grommelait. « Il n'y a pas à dire, il faut la rejoindre. Pour 20 francs, je la manquais. J'aime les femmes, moi, je suis de leur côté. Mais dame, 2 louis, peut-on être jaloux quand on est aussi laid que ça ?» Le père Tabaret se donnait 1000 peines pour occuper son esprit de choses indifférentes. Il ne voulait pas réfléchir avant d'avoir vu cette femme, de lui avoir parlé, de l'avoir habilement questionnée. Il était sûr que d'un mot, elle allait perdre ou sauver son amant. Quoi ? Perdre Noël ? Eh bien oui. Cette idée de Noël assassin le fatiguait, le harcelait, bourdonnait dans son cerveau, comme la mouche agaçante qui 1000 et 1000 fois vient, revient, se heurter à la vitre où brille un rayon. On venait de dépasser la chaussée d'Antin. Le coupé bleu n'était guère qu'à 30 pas. Le cocher de remise se retourna. « Bourgeois, notre coupé s'arrête. Arrête aussi, et ne le perds pas de l'œil pour repartir en même temps que lui. » Le père Tabaret se pencha, tant qu'il put, hors de sa voiture. La jeune femme descendait du coupé, traversait le trottoir et entrait dans un magasin où on vend des cachemires et des dentelles. « Voilà donc, pensait le père Tabaret, où vont les billets de 1000 francs ? Un demi-million en 4 ans. Que font donc ces créatures de l'argent qu'on leur jette à pleine main ? Le mangent-elles ? Au feu de quels caprices font-elles leur fortune ? Elles ont des filtres endiablés, bien sûr, qu'elles donnent à boire aux imbéciles qui se ruinent pour elles. Il faut qu'elles possèdent un art particulier de cuisiner et d'épicer le plaisir, puisqu'une fois qu'elles tiennent un homme, ils sacrifient tout avant de les abandonner. La remise se remit en route, mais bientôt s'arrêta. Le coupé faisait une nouvelle pause devant un magasin de curiosités. « Cette créature veut donc acheter tout Paris ?» se disait avec rage le bonhomme. « Ouais, c'est elle qui a poussé Noël, si Noël a commis le crime. C'est mes 15 000 francs qu'elle fricasse en ce moment. Combien de jours diront-ils ? Ce serait pour avoir de l'argent que Noël aurait tué la femme le rouge ? Oh, alors il serait le dernier, le plus infâme des hommes. Quel monstre de dissimulation et d'hypocrisie ! Et penser que si je mourais ici de fureur, il serait mon héritier. Car c'est écrit en toutes lettres. Je lègue à mon fils Noël Gerdy. Si ce garçon était coupable, il n'y aurait pas d'assez grand supplice pour lui. Mais cette femme ne rentrera donc pas. Cette femme n'était pas pressée. Le temps était beau, sa toilette était ravissante. Elle se montrait. Elle visita 3 ou 4 magasins encore et en dernier lieu s'arrêta chez un pâtissier où elle resta plus d'un quart d'heure. Le bonhomme, dévoré d'angoisse, bondissait et trépignait dans sa voiture. Être séparé du mot d'une énigme terrible par le caprice d'une drôlesse, quelle torture ! Il mourait d'envie de s'élancer sur ses pas, de la prendre par le bras et de lui crier « Rentre donc, malheureuse ! Rentre donc chez toi ! Que fais-tu là ? Ne sais-tu pas qu'à cette heure, ton amant, celui que tu as ruiné, est soupçonné d'un assassinat ? Rentre donc, que je te questionne ! Que je sache de toi s'il est innocent ou coupable, car tu me le diras sans t'en douter. Je t'ai préparé un traquenard où tu te prendras. Rentre donc, l'anxiété me tue. » Elle rentra. Le coupé bleu reprit sa course, remonta la rue du Faubourg Montmartre, tourna dans la rue de Provence, déposa la jolie promeneuse à sa porte et repartit. Elle demeure là, dit le père Tabaret avec un soupir de soulagement. Il descendit de voiture, donna au cocher les 2 louis en lui ordonnant de l'attendre et s'élança sur les traces de la jeune femme. « Il est patient, le bourgeois, » pensa le cocher, « mais la petite dame brune est pincée. » Le bonhomme avait ouvert la porte de la loge du concierge. « Le nom de cette dame qui vient de rentrer ? » demanda-t-il. Le portier ne parut rien moins que disposé à répondre. « Son nom ?» insista le vieux policier. Le ton était si bref, si impérieux, que le portier fut ébranlé. « Madame Juliette Chafour, » répondit-il. « À quel étage ? » ?»« Au second, la porte en face. » Une minute après, le bonhomme attendait dans le salon de Madame Juliette. « Madame se déshabillait, » lui avait répondu la femme de chambre, « et allait venir à l'instant. » Le père Tabaret était stupéfié du luxe de ce salon. Il n'avait rien d'insolent pourtant, ni de brutal, ni même de mauvais goût. On ne se serait jamais cru chez une femme entretenue. Mais le bonhomme, qui s'y connaissait en beaucoup de choses, jugea bien que tout dans cette pièce était de grand prix. La seule garniture de cheminée valait au bas mot 20 000 francs. « Clergeot, » pensait-il, « n'a pas exagéré. » L'entrée de Juliette interrompit ses réflexions. Elle avait retiré sa robe et passé à la hâte un peignoir très ample, noir, avec des garnitures de satin cerise. Ses admirables cheveux, un peu dérangés par son chapeau, retombaient en cascade sur son cou et bouclaient derrière ses délicates oreilles. Elle éblouit le père Tabaret. Il comprit bien des folies. « Vous avez demandé à me parler, monsieur ?» interrogea-t-elle en s'inclinant gracieusement. « Madame, » répondit le père Tabaret, « je suis un ami de Noël, son meilleur ami, je puis le dire, et prenez donc la peine de vous asseoir, monsieur, » interrompit la jeune femme. Elle-même se posa sur un canapé, lutinant du bout du pied ses mules pareilles à son peignoir, pendant que le bonhomme prenait place dans un fauteuil. « Je viens, madame, » reprit-il, « pour une affaire grave. Votre présence chez monsieur Gerdy ?»« Quoi ?» s'écria Juliette. « Il sait déjà ma visite ? Matin, il a une police bien faite. »« Ma chère enfant, » commença paternellement Tabaret, « bien, je sais, monsieur, ce que vous venez faire. Vous êtes chargé par Noël de me gronder. Il m'avait défendu d'aller chez lui. Je n'ai pu y tenir. » T'embêtant à la fin d'avoir pour amant un rébus, un homme dont on ne sait rien, un logogriffe en habit noir et en cravate blanche, un être lugubre et mystérieux. Vous avez commis une imprudence. Pourquoi ? Parce qu'il va se marier. Que ne l'avoue-t-il alors ? Si ce n'est pas... Ça est ! Il a dit à ce vieux filou de Clergeot qui me l'a répété. En tout cas, il doit tramer quelques coups de sa tête. « Depuis un mois, il est tout chose. Il est changé au point que je ne reconnais plus. » Le père Tabaret désirait avant tout savoir si Noël ne s'était pas aménagé un alibi pour le mardi du crime. Là, pour lui, était la grande question. Oui, il était coupable, certainement. Non, il pouvait encore être innocent. Madame Juliette devait, il n'en doutait pas, l'éclairer sur ce point décisif. En conséquence, il était arrivé avec sa leçon toute préparée, son petit traquenard tendu. La vivacité de la jeune femme le dérouta un peu. Pourtant, il poursuivit, se fiant au hasard de la conversation. « Empêcheriez-vous donc le mariage de Noël ?»« Sous mariage ?» s'écria Juliette en éclatant de rire. « Oh, le pauvre garçon ! S'il ne rencontre pas d'autre obstacle que moi, son affaire est conclue. Qu'il se marie, ce cher Noël, au plus vite, que je n'entende plus parler de lui. « Vous ne l'aimez donc pas ?» demanda le bonhomme, un peu surpris de cette aimable franchise. « Écoutez, monsieur, je l'ai beaucoup aimé, mais tout s'use. Depuis 4 ans, je mène, moi qui suis folle de plaisir, une existence intolérable. Si Noël ne me quitte pas, c'est moi qui le lâcherai. Je suis excédée à la fin d'avoir un amant qui rougit de moi, qui me méprise. S'il vous méprise, belle dame, il n'y paraît guère, répondit le père Tabaret en promenant autour du salon un regard des plus significatifs. Vous voulez dire, riposta la dame en se levant, qu'il dépense beaucoup pour moi. C'est vrai, il prétend qu'il s'est ruiné pour moi. C'est fort possible, qu'est-ce que ça me fait? Je ne suis pas une femme intéressée, sachez-le. J'aurais préféré moins d'argent et plus d'égards. Mes folies m'ont été inspirées par la colère et le désœuvrement. Monsieur Gerdy me traite en fille. J'agis en fille. Nous sommes quittes. Vous savez bien qu'il vous adore. Lui, puisque je vous dis qu'il a honte de moi, il me cache comme une maladie secrète. Vous êtes le premier de ses amis à qui je parle. Demandez-lui s'il m'a jamais sorti. On dirait que mon contact est déshonorant. Tenez, mardi dernier, pas plus tard, nous sommes allés au théâtre. Il avait loué une loge entière. Vous croyez qu'il est resté près de moi? Erreur! Monsieur s'est esquivé et je ne l'ai plus revu de la soirée. Comment? Vous avez été forcé de revenir seul? Non. À la fin du spectacle, vers minuit, monsieur a daigné reparaître. Nous devions aller au bal de l'opéra et de là souper. Ah, ce fut amusant. Au bal, monsieur n'a osé ni relever son capuchon ni retirer son masque. Au souper, j'ai dû, à cause de ses amis, le traiter comme un étranger. L'alibi préparé en cas de malheur apparaissait. Moins emportée, Juliette aurait remarqué l'état du père Tabaret et certainement se serait tue. Il était devenu livide et tremblait comme une feuille. « Bast, reprit-il, en faisant un effort surhumain pour articuler ces mots. Le souper n'en a pas été moins gai. « Gai ? » répéta la jeune femme en haussant les épaules. « Vous ne connaissez guère votre ami. Si vous l'invitez jamais à dîner, gardez-vous bien de le laisser boire. Il a le vin réjouissant comme un convoi de dernière classe. À la seconde bouteille, il était plus gris qu'un bouchon, si gris qu'il a perdu toutes ses affaires. Paletot, parapluie, porte-monnaie, étui à cigare. » Le père Tabaret n'eut pas la force d'en écouter davantage. Il se dressa sur ses pieds avec des gestes de fou furieux. « Misérable ! » s'écria-t-il. « Infâme scélérat ! C'est lui ! Mais je le tiens !» Et il s'enfuit, laissant Juliette si épouvantée qu'elle appela sa bonne. « Ma fille, lui dit-elle, je viens de faire quelque affreuse boulette, de casser quelques carreaux. Pour sûr, j'ai causé un malheur, je le devine, je le sens. Ce vieux drôle n'est pas un ami de Noël. Il est venu pour m'entortiller, pour me tirer les vers du nez, et il a réussi. Sans m'en douter, j'aurais parlé contre Noël. Qu'ai-je pu dire? J'ai beau chercher, je ne le vois pas. Mais c'est égal, il faut le prévenir. Je vais lui écrire un mot. Toi, cours chercher un commissionnaire. » Remonté en voiture, le père Tabaret galopait vers la préfecture de police. Noël assassin. Sa haine était sans bornes comme autrefois sa confiante amitié. Avait-il été assez cruellement joué, assez indignement pris pour dupe par le plus vil et le plus criminel des hommes? Il avait soif de vengeance. Il se demandait quel châtiment ne serait pas trop au-dessous du crime. Car non seulement il a assassiné Claudine, pensait-il, mais il a tout disposé pour faire accuser un innocent. Et qui dit qu'il n'a pas tué sa pauvre mère? Il regrettait alors l'abolition de la torture, les raffinements des bourreaux du Moyen-Âge, l'écartèlement, le bûcher, la roue. La guillotine va si vite que c'est à peine si le condamné a le temps de sentir le froid de l'acier tranchant les muscles. Ce n'est plus qu'une chiquenaude. À force de vouloir adoucir la peine de mort, on en a fait une plaisanterie, et elle n'a plus de raison d'être. Seule la certitude de confondre Noël, de le livrer à la justice, de se venger, soutenait le père Tabaret. « Il est clair, murmura-t-il, que c'est au chemin de fer, dans sa hâte de rejoindre sa maîtresse au théâtre, que ce misérable a oublié ses effets. Les retrouvera-t-on? S'il a eu la prudence d'être assez imprudent pour aller les retirer sous un faux nom, je n'aperçois plus de preuves. Le témoignage de cette madame Chafour n'en est pas un pour moi. La drôlesse, voyant son amant menacé, reviendra sur ce qu'elle a dit. Elle affirmera que Noël l'a quitté bien après 10 heures. Mais il n'aura pas osé aller au chemin de fer. » Vers le milieu de la rue de Richelieu, le père Tabaret fut pris d'un éblouissement. « Je vais avoir une attaque, pensa-t-il. Si je meurs, Noël échappe, et il reste mon héritier. Quand on a fait un testament, on devrait bien le porter toujours sur soi pour le déchirer au besoin. » 20 pas plus loin, apercevant la plaque d'un médecin, il fit arrêter la voiture et s'élança dans la maison. Il était si défait, si hors de soi, Ses yeux avaient une telle expression d'égarement que le docteur eut presque peur de ce singulier client qui lui dit d'une voix rauque « Saignez-moi !» Le médecin essaya une objection, mais déjà le bonhomme avait retiré sa redingote et relevé une des manches de sa chemise. « Saignez-moi donc » répéta-t-il. « Voulez-vous me tuer ?» Sur cette instance, le médecin se décida, et le père Tabaret descendit rassuré et soulagé. Une heure plus tard, muni des pouvoirs nécessaires et suivi d'un officier de paix, il procédait au bureau des objets perdus, au chemin de fer, aux recherches indiquées. Ses perquisitions eurent le résultat qu'il avait prévu. Bientôt, il sut que le soir du Mardi Gras, on avait trouvé dans un compartiment de seconde du train 45 un paletot et un parapluie. On lui représenta ces objets et il les reconnut pour appartenir à Noël. Dans une des poches du paletot se trouvait une paire de gants gris-perle éraillés et déchirés et un billet de retour de Chatou qui n'avait pas été utilisé. En s'élançant à la poursuite de la vérité, le père Tabaret ne savait que trop ce qu'elle était. Sa conviction involontairement formée lorsque Claire Jo lui avait révélé les folies de Noël s'était depuis fortifiée de mille circonstances. Chez Juliette, il avait été sûr. Et pourtant, à ce dernier moment, lorsque le doute devenait absolument impossible, en voyant éclater l'évidence, il fut atterré. « Allons !» s'écria-t-il enfin. « Il s'agit maintenant de le prendre. » Et sans perdre une minute, il se fit conduire au palais de justice où il espérait rencontrer le juge d'instruction. Malgré l'heure, en effet, M. Daburon n'avait pas encore quitté son cabinet. Il causait avec le comte de Commarin qu'il venait de mettre au fait des révélations de Pierre le Rouge que le comte croyait mort depuis plusieurs années. Le père Tabaret entra comme un tourbillon, trop éperdu pour faire attention à la présence d'un étranger. « Monsieur !» s'écria-t-il, bégayant de rage. « Monsieur, nous tenons l'assassin véritable !»« C'est lui, c'est mon fils d'adoption, mon héritier, c'est Noël !»« Noël ?» répéta M. Daburon en se levant. Et plus bas, il ajouta, « Je l'avais deviné. »« Oh, il faut un mandat, bien vite !» continua le bonhomme. « Si nous perdons une minute, il nous file entre les doigts. » Il se s'est découvert, et si sa maîtresse l'a prévenu de ma visite, hâtons-nous, monsieur le juge, hâtons-nous !» Monsieur Daburon ouvrit la bouche pour demander une explication, mais le vieux policier poursuivit. « Ce n'est pas tout encore. Un innocent. Albert est en prison. »« Il n'y sera plus dans une heure, » répondit le magistrat. « Un moment avant votre arrivée, j'ai pris toutes mes dispositions pour sa mise en liberté. Occupons-nous de l'autre. » Ni le père Tabaret, ni M. Daburon ne remarquèrent la disparition du comte de Commarin. Au nom de Noël, il avait gagné doucement la porte et s'était élancé dans la galerie.